If you had any problems with those activities, go back and listen again, and then when you're ready, continue with the next set of new words and phrases. Voici les nouveaux mots et phrases. Comme d'habitude, écoutez le français, l'anglais, le français encore et répétez. Voyons. Let's see. Voyons. Des expressions pratiques. Practical expressions. Des expressions pratiques. Les touristes. Tourists. Les touristes. Maintenant, écoutez encore l'anglais et dites le français. Après la pause, répétez la bonne réponse. Nous commençons. Tourists. Les touristes. Practical expressions. Des expressions pratiques. Let's see. Voyons.